Chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Wahlberg Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Ici Hugo Maltais, président du hockey mineur de Robertval. En mon nom et au nom de tous les membres du hockey mineur, nous voulons féliciter Samuel Girard pour son rang de sélection lors de la dernière séance de repêchage tenue à Buffalo. Samuel est un exemple pour tous les jeunes hockeyeurs de Robertval et de la région pour sa grande détermination, son courage, sa ténacité. Donc nous souhaitons un franc succès à Samuel pour les années à venir. De Samuel Girard, on sait qu'on y a parlé au cours quand il a été repêché, mais immédiatement après, il a pris le chemin de Nashville où il suivait un camp de perfectionnement, un peu comme le Canadien a fait la semaine passée. Et là, il est revenu de Nashville et on va lui poser la question comment ça a été. Salut Samuel. Samuel. Salut. Oui, ça va bien. Samuel, comment ça a été à Nashville? Écoute, ça a très bien été là-bas. Dans le fond, quand j'ai été repêché, on est parti tout de suite pour Nashville le lendemain. Okay. Et après ça, le camp a commencé le lundi jusqu'au samedi. Là. Écoute, c'était une semaine très chargée. On se levait à tous les matins à 5h45 pour aller courir le matin, vu que c'est là-bas, dans le Tennessee, il fait vraiment chaud dans l'après-midi. Il fait trop chaud pour courir. Alors, on était allé courir le matin. Puis par la suite, il y avait quoi? Y avait-tu des matchs simulés? Y avait-tu des pratiques? Un peu comme on voyait ce qui se passait cette semaine avec le Canadien, c'était un petit peu la même affaire? Oui, c'était la même affaire. Comme nos journées là-bas, là, c'était pas mal toujours les mêmes. Puis on allait courir le matin à 6h45. Après ça, on avait une pratique soit à 9h ou à 11h. Après ça, on avait 2 heures de break. Après ça, on avait fait un entraînement en glace. Dans ces temps-là, on avait des meetings aussi là-bas à Nashville avec des personnes de motivation, sinon d'administration, des personnes informées, puis il y a plein de choses intéressantes là-bas là, qui nous permettent d'être encore des joueurs. Ok, meilleurs. Samuel, veux-tu t'approcher un petit peu ton portable ou encore de t'asseoir un peu parce qu'on t'a comme perdu un peu, donc on n'a pas tout compris ce que tu avais à dire, mais est-ce que c'était un petit peu plus dur que tu pensais, parce que là t'es avec des hommes, là t'es vraiment avec des gars même de 20, 21, 22 ans de la Ligue américaine un peu aussi, est-ce que c'est plus dur un peu? Non, je pense pas que c'est plus dur. J'ai pas eu plus de misère là-bas à Nashville. Ça ressemblait à... Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite coche, là, une grosse coche, je te dirais, là, de junior à ces camps-là. Mais sinon, je m'adapte très bien au jeu. Écoute, tous les gars qui sont là, c'est tous des gars qui sont bons. Ils ont toute une bonne vision du jeu. Pour moi, en tant que défenseur, là, on dirait que c'est plus impliqué le monde, plus c'est facile, vu que les gars sont toujours à la bonne place. Puis... Samuel, ce qui a fait parler beaucoup d'âmes, puis j'avais hâte de te parler puisque ça s'est passé durant que tu étais à Nashville, c'est cette fameuse transaction entre le Canadien et les Prédateurs de Nashville. On va en parler pendant encore longtemps. Chez Weber, que qu'on pensait que ça allait être ton mentor, ben ça en va finalement avec le Canadien, c'est Piqué Souban qui s'en va à Nashville. Donc, est-ce que ça en a parlé beaucoup au cas de perfectionnement des Prédateurs? Je te dirais que oui, sérieusement, tu sais, je pense que personne dans l'organisation s'attendait à cet échange-là. Tu sais, je veux pas chez Weber, là, ça faisait un bon bout qui jouait pour les Prédateurs, puis surtout que c'était un bon leader pour cette équipe-là, c'était un bon capitaine, tout ça, mais tu sais, je pense que l'équipe était prête à sacrifier ce joueur-là pour justement chercher Piqué Souban. Écoute, je pense que c'est un bon échange pour les deux équipes, là. Le Canadien peut-être avait plus besoin d'un joueur comme chez Weber, puis Nashville, eux autres, ben, il y a peut-être besoin d'un Piqué Souban aussi là, pour amener plus d'attaque. Fait que, tu sais, si on fait cet échange-là, les deux équipes, c'est sûrement parce qu'ils n'avaient besoin de chacun de leur côté. Hey, Samuel, as-tu eu l'occasion de visiter Nashville? C'est une belle ville, évidemment, c'est le country. As-tu eu l'occasion de visiter un petit peu Nashville pendant ton séjour? Oui, je vais te dire que oui, un petit peu, là. Mais c'était plus en s'entraînant qu'on visitait. Okay. Puis à un moment donné, on a comme fait C'est comme, dans le fond, on n'a pas ça au Québec, là, je pense, là, mais c'est, dans le fond, c'est comme un auto, c'est toi qui pédales, dans le fond, c'est toi qui pédales l'auto pour la faire avancer, là, fait que, on était genre, mettons, une dizaine sur le, en train de pédaler, puis on visitait la ville en même temps, on voyait toute la, on a vu surtout la rue principale, où il y avait plein de bars country, puis plein de kiosques country, puis, tu sais, c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment une belle ville, là, j'ai trouvé, là, je trouve que, ça ressemble un peu au terme du Québec, dans le fond, c'est comme Saint-Étienne, puis c'est tous les festivals de western qu'il y a au Québec, là, fait que c'est vraiment le droit de nous voir ça. Ben Samuel, d'ici la fin de l'été, c'est repos, puis quel entraînement, j'imagine? Ouais, ça ressemblait à ça, là. Écoute, là, j'ai pas vraiment arrêté depuis que je suis revenu de Nashville, j'ai fait un 4-8 après avec du Grébitoy, puis... là, ben, dans le fond, c'est ça. Là, je m'entraîne, puis je m'en vais sur la glace un petit peu aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça. OK. Ben, Samuel, on va se reparler durant la saison. Samuel Girard, des pelleteurs de Grimby.